Version complète. Bonsoir les tout petits. Et ne soyez pas les bienvenus à ce nouvel épisode de votre émission pour enfants favorite, c'est-à-dire Découvrez la médecine avec le bon docteur Pendragon. Émission entièrement consacrée à l'éveil des tout-petits, aux avancées de la médecine moderne et comment s'initier à la maison en toute sécurité. À la pratique de diverses chirurgies toutes simples, telles que la lobotomie, la transplantation d'un nouveau cerveau et sans oublier bien entendu comment faire revivre les morts. En plus de vous présenter à chaque semaine les meilleurs dessins animés tels que l'invasion des morts vivants près de chez vous et le bourreau médiéval en folie. Ce soir, nous nous attarderons à un spécial fort intéressant sur la jeune fille de fer, célèbre sarcophage de la torture moyenâgeuse. Voici donc, découvrez la médecine avec le bon docteur Pendragon, que les initiés nomment réanimation. Et c'est bien plus drôle d'avoir un médecin, parfois surtout lorsqu'il vous montre comment ouvrir un thorax avec des ciseaux à bourron. C'est sécuritaire, mais ça vous fait un travail de cochon et ça fait bien plus mal aux patients. Vous devrez prier pour tous ceux qui seront nos cobayes ce soir, parce que la joie de faire peur, c'est mon affaire. Donc, sans plus attendre, petits amis, débutons cette belle émission éducative avec les troubadours d'Anthrax et cette belle comptine qu'est Evil Twins. Go! ici Denis Sasquatch, Bart du groupe Aggression. Vous écoutez Reanimation, The Undead Incorporated Show avec le Dr Pendragon sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. C'est fou le sexe. Tous les lundis 10h à C'est Fou 89.1 FM. Le fou m'a été collé, morceau de la masse. Faut-tu vraiment que je me tâche? Les mardis de la relève. Le plus grand concours de Ben Live entre Montréal et Québec en est à sa 19e édition. Mardi 29 mars, soirée rock. Quart de finale opposant les formations Twist Cap, Daze ainsi que Eastwood. Les mardis de la relève au Gambrinus, une réalisation des productions Joshua. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. Mais qu'est-ce que je dis là? Mais non, pas du tout. C'est Apprenons la médecine avec le gentil docteur Pendragon, c'est moi. Mais non, c'est faux. Ce n'était qu'un canular, bien entendu. Je déteste les sous-abourons. Pour une simple et unique raison, c'est beaucoup plus long. On vient d'entendre la formation montréalaise. Ben, ex-montréalaise, maintenant, je dirais plus... Ben, je sais pas exactement, mais c'est dans l'Ouest canadien. Aggression et l'excellente Catching a Dolls tirée de Forgotten Skeleton, qui est le premier album à avoir été enregistré de la formation à la mi-80, mais qui n'est paru qu'en 2004 sur Great White North Record. Et si vous vous demandez ce que c'est une Catching a Dolls, ben, c'est une petite poupée, principalement chez les... les Amérindiens de l'Ouest de l'Amérique qui représentent un esprit. Donc, c'est la représentation physique d'un esprit. Nous avions juste auparavant Sacrifice et la pièce Light of the Hand tirée de Forward to Termination. C'était le deuxième album à paraître de Sacrifice en 87 sur Diabolic Force. Exciter, juste avant, et Violence and Force, pièce titre de cet album. Le deuxième également apparu en 84 sur Mega Force. Et c'est ici qu'on voit que le métal, ben, je dis la musique là, en général, peut-être même, ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué pour être bon. Hein? Violence and Force, c'est d'une simplicité, je dirais, relativement évidente, et ça fait amplement le travail. Et si vous avez écouté l'émission Subversion de mon ami DJ Tower of Death il y a quelques semaines, il avait eu Dan Beeler en entrevue, justement, qui est le batteur et le chanteur de Exciter, formation qui aujourd'hui est un trio original. Et nous avions ouvert avec Anthrax. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ben, Arash, je suis d'accord avec toi. Moi non plus, c'est pas mon album préféré d'Anthrax. La pièce Evil Twin, qui est tirée du dernier album paru le 26 février dernier, soit For All Kings, était paru également sur Mega Force. J'ai de la misère à m'habituer à cet album-là, honnêtement. C'est vraiment pas ce que je préfère de Anthrax. Malgré le fait que c'est bien fait, là, mais bon, c'est pas probablement pas ma tasse de thé, j'imagine. Ce soir, une émission relativement régulière, dans le sens qu'il n'y aura qu'une présentation spéciale, et ce sera l'album marquant du mois, étant la dernière émission du mois de mars. Elle s'adressera cette fois-ci à un album paru en 1981, qui est le deuxième de cette formation légendaire, je dois le dire, une des figures de proue dans le monde du métal. Je parle d'Iron Maiden. L'album étant Killers, c'est dans environ, je dirais, peut-être un 20, 25, moi, peut-être plus 30 minutes. Chronique cinéma aussi ce soir, et chronique musicale, qui, celle-ci, par contre, je dois dire, est assez... je devrais être assez virulent, voilà. Sans plus attendre, allons voir un dessin animé. Non, c'est une blague. Mais par contre, j'ai dit allons voir un dessin animé. Ça serait une bonne idée, dans le fond. Je devrais y penser. Moi, je vais regarder ça pour tantôt. On y va avec un deuxième bloc qui, je dirais que généralement parlant, c'est du death metal. Êtes-vous surpris? Moi, oui. On débute le tout avec Grand Supreme Blood Court et la pièce Circus of Mass Torment. Vous êtes en réanimation jusqu'à 21h. Voyons. OK. Go. For our own amusement, Grand Supreme When no religious body seeks to impose its will, directly or indirectly, upon the general populace. Shot in the head or a heavy blow to the skull. Yeah. c'est le 89.9. C'est fou, 89.9. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Tous les vendredis de 11h à 17h. Vendredi 1er avril, 21h30. Votre café-bar Le Zénob vous invite à assister au spectacle de la formation montréalaise Guerre en famille. Pour une soirée aux accents reggae, acoustique, gypsy et ska, soyez avec nous au Zénob ce vendredi 1er avril, 21h30 pour Guerre en famille. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça à une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez tassé pour l'écouter. 89.9. This, folks, is a Warner Brothers television production. The Bugs Bunny Show. Overture, curtain lights, this is it, the night of nights. No more rehearsing and nursing a part, we know every part by heart. Overture, curtain lights, this is it, we'll hit the heights, and oh what heights we'll hit. On with the show, this is it. Vous l'avez eu, votre dessin animé, Bugs Bunny. C'était super bon. Ouais, toi aussi, t'aimais ça en race, hein? Des fois, ça t'arrive d'avoir du goût. Juste avant cette pause publicitaire et ce merveilleux petit interlude de Bugs Bunny, nous avions la formation américaine Massacre et la pièce Darkness Fell. C'est tiré du dernier album Back From Beyond, pardon, qui est paru en 2015 sous étiquette Century Media. Formation suédoise Entrails et la très bonne pièce Reanimation of the Dead tirée d'Obliteration, qui était leur quatrième album, paru également en 2015 sous Metal Blade. Against the Plague, une formation que j'ai découvert l'an dernier, donc c'était en 2015. Une pièce s'appelle Theocracia, c'est tiré de Purified Through Devastation, sous étiquette Non-Serviam. Et nous avons ouvert avec Grand Supreme Blood Court, et qui met en vedette le vocal de Martin Van Dronen, et la pièce Circus of Mass Torment, qui est tirée de Bow Down Before the Blood Court, qui est paru en 2012. C'est à ce jour le seul et unique album paru de cette formation. Ceci étant dit, j'ai oublié de faire quelque chose, moi, là, puis je vais le faire immédiatement. Bon, je devrais y arriver. Ben oui! C'est la présentation de l'album marquant de ce mois de mars, étant la dernière édition de réanimation en ce mois de mars, bien entendu. Qu'est-ce que l'album marquant? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le concept, ben il n'y en a pas. Non, blague à part, c'est un concept relativement simple. Je présente une fois par mois un album généralement qui... Ben, je dis généralement, jusqu'à présent, c'était le cas, un album qui a quand même un certain nombre d'années derrière lui, qui aurait été marquant pour moi tout au fil de ma découverte, je dis ma découverte, oui, c'est encore le cas, j'en découvre encore du métal, mais disons, depuis le début que j'ai commencé à aimer et m'intéresser au métal, des albums qui ont été plus, je dirais, oui, c'est le terme, marquant, qui m'ont incité à aller toujours plus loin ou à découvrir toujours plus de formations. Et ce mois-ci, je m'arrête pour la formation qui ne nécessite plus nécessairement de présentation, puisque c'est une des figures de proue qui existe depuis 1980. En fait, c'est pas vrai, ils existent depuis 75, mais ils n'ont pas fait sortir d'album avant les années 80, le début des années 80. Je parle d'Iron Maiden, formation britannique, qui roule toujours sa basse aujourd'hui avec, il reste deux membres originaux de la formation, quasiment trois avec Adrian Smith, et l'emblématique Bruce Dickinson, bien entendu, qui, soit dit en passant, n'est pas mon chanteur préféré, vous le savez déjà, j'imagine. Mais moi, je m'adresse à une période où c'était juste avant la venue de Dickinson. C'était le dernier album qui avait été enregistré avec Paul Di'Anno. Je parle de Killers, paru en 1981 sous étiquette EMI. C'est pour moi, incluant le premier homonyme, Iron Maiden, ce sont les deux albums que je préfère pour diverses raisons. Peut-être un aspect plus indélébile, parce que je les ai découverts vraiment lorsqu'ils sont parus. Et c'était vraiment le début du métal, c'était la New Wave of British Heavy Metal, c'était vraiment l'invasion du métal proprement dit. On débutait à l'époque, on sortait d'une période qui était beaucoup plus hard rock. On avait eu une transition entre autres avec l'incontournable Judas Priest qui était passé du hard rock et qui nous amenait un son beaucoup plus métal. Mais Maiden sont arrivés vraiment avec quelque chose qui définissait beaucoup plus la sonorité de ce qu'était pour être le heavy metal à cette époque. Et c'est un album qui est un incontournable, selon moi, pour les amateurs du genre, qui s'intéressent aussi, bien entendu, à l'historique de ce style musical. Je vous présente ce soir la face A, si vous préférez, plutôt que dire les cinq premières pièces. Faisons comme c'est un vinyle, effectivement, la face A de cet album qui comporte cinq pièces, soit l'introduction des Eyes of March, Wrathchild, Murders in the Rue Morgue, Another Life et Genghis Khan, l'excellente Genghis Khan qui est une instrumentale. Sans plus attendre, voici Iron Maiden et un bon extrait de l'album Killers. Vous êtes de réanimation jusqu'à 21h. Bande d'enfoirés, go!

Iron Maiden, 5 pièces tirées du deuxième album, album paru en 1981, soit Killers, sous étiquette EMI. On vient d'entendre la très bonne instrumentale Genghis Khan, qui, ma foi, est une de mes pièces préférées instrumentales au niveau du métal. Nous avions avant Another Life, Murders in the Rue Morgue, très bonne pièce aussi, Wrathchild, qui était précédée de l'ouverture ou l'introduction, si vous préférez, The Eyes of March. C'est vraiment un très bon album. La phase 2 est tout aussi bonne. C'est un album qui est, ma foi, je dirais, bon de A à Z et qui faisait suite à un premier album qui était très original, qui était très innovateur au niveau du métal, au niveau de la qualité des musiciens, de l'originalité aussi. Et Killers l'était tout autant. Un peu plus raffiné, par contre. Bref, j'espère que vous avez aimé, parce que moi, il fait partie vraiment des albums qui, encore aujourd'hui, je le compte comme étant un album marquant. Ceci étant dit, allons faire un petit tour du côté de la chronique musicale qui, généralement parlant, a été relativement moyenne, je dirais. Je débute avec ce qui m'a paru être, le pire. Le pire. Je vous parle de la nouvelle parution de cette formation américaine Metal Church qui donne dans un heavy trash metal, formation qui existe depuis 1983 ou 4, je ne m'abuse, je devrais valider là. L'album s'appelle Eleven, qui est paru sur l'étiquette Rat Pack Records, que je ne connais pas. C'est très mauvais. Honnêtement, là, je dois dire que c'est très mauvais. Ça m'a grandement déplu. J'ai trouvé que c'est un album qui était sans saveur, qui était rempli de... On a déjà tout entendu ça très souvent. Aucune originalité. Metal Church nous présente un album dilué de toutes sources fondamentales du genre. C'est vraiment très mauvais. J'ai vraiment pas aimé. Et je peux vous dire que vous n'entendrez jamais des pièces de Eleven de Metal Church ici à Réanimation. Autre truc que j'ai trouvé aussi, pas autant, parce que celui-là c'était vraiment mon coup de masse là. Je parle de la formation danoise Artillery, formation qui donne dans un trash metal qui existe depuis belle lurette. Formation qui en est, j'en ai aucune idée quel Xème album que c'est, mais je peux vous dire que le nouveau qui vient de paraître en version CD Deluxe et LP ou vinyle si vous préférez, porte le nom de Penalty to Perception, By Perception, pardon. Et ce qu'il faut savoir, ça fait 34 ans, voilà, ça fait 34 ans qu'ils existent, Artillery, c'est pas rien. Et ce n'est que le 8e album studio du groupe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des pauses, des arrêts, des chicanes, des ruptures, des on ne sait pas quoi. Mais 8 albums en 34 ans, on ne peut pas dire qu'ils soient excessivement productifs. À peu près les deux tiers du groupe sont toujours en poste. Mais évidemment, il ne faut pas penser que Fleming Ronsdorf est toujours au vocal, qui était sur le très bon album Fear of Tomorrow 85. Non, ce n'est plus lui. Et c'est justement là que ça fait mal. Parce que musicalement, c'est fort correct. C'est tout à fait correct ce qu'ils ont fait Artillery avec Penalty by Perception. Mais c'est le vocal qui, à mon humble avis ou à mon goût, ne fit pas du tout avec la musique. Il rend cette musique beaucoup trop douce pour ce qu'elle devrait être. Donc, je doute fort que j'en présente ici aussi. Autre truc, ça sera pour la semaine prochaine. Formation qui porte le nom de Rotting Obscene, formation américaine de death metal. L'album, dernier album étant Death of Decay, qui est apparu de façon indépendante. C'est un death metal qui, à l'occasion, tente de voir s'approprier quelques soupçons de tendance progressive, mais très légèrement. Petite dose de technicité aussi. Le vocal est assez correct, la production aussi, mais dans l'ensemble, c'est rien qui se démarque. C'est déjà du très souvent entendu. Il n'y a pas vraiment aucune pièce qui pourrait faire dire « Wow, ouais, c'est quand même pas mauvais ça ». Non, ça passe passablement, encore une fois, à mon optique, à moi, ça passe assez, je dirais, inaperçu. Ce avec quoi je ne suis pas généralement très, très attiré, mais que je sais apprécier aussi à l'occasion, c'est les formations qui donnent dans le Viking Metal. Je vous parle du nouvel album de Hammond Amart, qui porte un nom, je ne sais pas si je vais le prononcer comme il se doit, là, peut-être Jomsviking ou Jomsviking, quelque chose comme ça, qui est apparu sur Metal Blade Records. C'est disponible en CD, en édition de luxe aussi, et en vinyle, bien sûr. Généralement, je suis pas très attiré par ce genre, mais tout de même, par acquis de conscience, je l'ai écouté et j'ai trouvé que ça faisait un bon travail, cet album. C'était correct. C'était même très bien, je dois dire, dans le genre. Faut aimer le genre, bien sûr. Bonne production, ben, en fait, une excellente production. Des pièces qui sont relativement accrocheuses, en plus de ça. Donc, cet album de Mon Amarth, Jomsviking ou Jomsviking, je parle très mal suédois, donc je pourrais pas vous dire quelle est la prononciation exacte, mais c'est un album qui vaut la peine d'être découvert. D'ailleurs, ce vendredi, Rock Classic, le Rockmaster devrait vous en faire découvrir quelques pièces. Ça tourne entre 1 et 3 selon son appréciation de l'album. Et parlant de Rock Classic, ben, ce vendredi, dès 11h, ici même assez fou, 89.1 FM. C'est une nouvelle édition de Rock Classic en compagnie de mon ami le Rockmaster Alain Lefebvre et de moi-même, votre humble serviteur. Et c'est l'émission du 1er avril, ce qui veut dire que nous allons la souligner à notre façon avec des sélections dites poissonneuses. Est-ce que c'est un mot qui existe? Je ne suis pas certain. Je devrais vérifier. C'est possible, je ne sais pas. Peu importe, ça se prête très bien pour l'annonce. Vous entendrez aussi des artistes tels, ben en fait, vous allez entendre Aerosmith, Chris Squire, Yes, Fish, tout un jeu de mots, Country Joe and the Fish, John Lennon, Alain va vous proposer les nouveautés de Black Mountain, Rainbow Patrol, Blood Ceremony et Spiritual Beggars. Il va faire aussi tourner une face complète d'un album qui est paru en 1976, soit il y a 40 ans. Exactement ce 1er avril, ce vendredi, donc l'album 2112 de Rush. C'est un classique parmi les classiques. Et au niveau des groupes obscurs, Alain va vous parler d'un guitariste scandinave absolument inconnu du début des années 70 du nom de Freddie Lindquist. Tout ça en plus des chroniques habituelles qui sont Ça passe ou ça casse, les nouvelles du rock, les éphémérides et bien sûr la fonte chez les amateurs de rock. Pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est ce vendredi dès 11h jusqu'à 17h rock classique. Moi, la semaine prochaine, je vous proposerai la présentation d'une formation polonaise qui donne dans un trash black death metal. Vous n'avez pas manqué bien de style pour dire qu'on fait le tour. Formation Heretic et l'album De Non Existentia Dei qui est paru sous étiquette via Noctura. Voilà. Côté cinéma maintenant. Eh bien, il est en salle depuis ce vendredi dernier. Batman contre Superman, Dawn of Justice, qui est un film de super-héros, bien entendu, qui mettent... Ben, ce sont des héros de Marvel et DC. Qu'est-ce que je fais là, moi? C'est des super-héros de DC, point la ligne. Qui mettent en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, qu'on a vu dans le dernier film de Superman, Man of Steel, et Amy Adams. C'est un film de Zack Snyder. Zack Snyder, c'est quelqu'un qui est très original dans le cinéma, mais qui, en même temps, qui peut être très bizarroïde. Donc, jusqu'à présent, les critiques reçues de Batman versus Superman, ou contre Superman, si vous préférez, sont assez sulfureuses. On lui reproche énormément de choses à ce film, mais c'est toujours facile, je dois le dire, quand on s'attaque à une production, qu'elle soit une série télévisée ou au cinéma, au grand écran, quand on s'attaque à des personnages qui sont... légendaires, voire mythiques, principalement issus de la bande dessinée, c'est assez simple de pouvoir critiquer et d'être détracteur. Parce que la conception d'une adaptation cinématographique est totalement différente des petits bonhommes que vous pouvez lire. Donc, moi, personnellement, je m'en ferai une opinion par moi-même lorsque je visionnerai le film. Je ne m'attarde pas influencer par le fait que les critiques dites professionnelles démolissent le film, mais bon, c'est à suivre. Justement, dans cet ordre d'idées, j'ai visionné Star Wars 7, le Réveil de la Force ou The Force Awakening, qui est un film de J.J. Abrams. Et non, George Lucas, on le sait, il a vendu tout ce qu'il avait à Disney, comme Disney le fait présentement, il rachète tout. Donc, et petite parenthèse, George Lucas avait une entente avec Disney et DJ Abrams pour servir de consultant pour réaliser, la production, la réalisation, le scénario, l'écriture de ce 7e épisode de Star Wars. Et les deux principaux intéressés, soit Lucas et Abrams, ne se sont pas entendus. Semble-t-il que J.J. Abrams avait une idée préconçue de ce qu'il voulait faire et ne tenait pas à se faire rabattre les oreilles avec de vieilles conceptions de la franchise. Ils se sont chicanés. Donc, Lucas a dit « Ben écoute, fais ce que tu veux, j'ai tout vendu, moi, donc si tu veux mener la barque à ta guise, ben fais-le, il est parti. » Ce qui a provoqué énormément de controverses au niveau de ceux qui sont, principalement les puristes de Star Wars. Parce que ce qu'il faut savoir avec Star Wars, c'est qu'il n'y a pas que les films. Il y a énormément de dérivés. Il y a des bandes dessinées, il y a des livres, il y a bien sûr des jeux, mais il y a des séries télévisées, il y a des animations. Et je reproche toujours un peu à ce genre de maniaque-là, entre guillemets, de ne pas être capable de faire la part des choses. Je n'avais pas aucune attente en visionnant ce nouvel épisode de Star Wars. Je suis un amateur de Star Wars. Je suis un fan de Star Wars, du moins des films. Et finalement, oui, il y a plein de défauts, ce film-là. Il en a plein. On a escamoté beaucoup de détails qui auraient pu être fort profitables dans l'intérêt du film, dans la compréhension du film. On a mis les choses en accéléré. On a omis de nous donner certains aspects qui auraient pu être beaucoup plus intéressants. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un film qui était tout à fait divertissant. Et même assez correct. J'ai beaucoup aimé la section qu'on accorde et une grande partie du film au retour de Han Solo et de Chewbacca. J'ai toujours aimé beaucoup les personnages. C'est vraiment bien. C'est le fun. Harrison Ford, faut dire, dans le film, là, il a bien vieilli. Carrie Fisher, c'est une autre paire de manches, par contre. La princesse Leia, si vous préférez. Qu'on voit aussi, relativement longtemps dans le film. Mais ce que j'ai reproché principalement, deux points que j'ai reproché au film, et le dernier, vous allez comprendre pourquoi, mais le premier, c'est le fameux personnage de Kylo Ren, qui se veut une espèce de d'émule de Darth Vader. C'est le méchant du film. Mais c'est un méchant en carton. C'est un méchant en papier mâché. C'est un méchant en gomme ballon. Ça n'a aucun bon sens de voir ce personnage qui doit être qui voue un culte quasiment à Darth Vader. Et donc, à un moment donné, il est devant l'espèce de l'irès à Darth Vader, puis il lui dit « Oui, maître, je vais reprendre le flambeau, blablabla. » Mais c'est un pauvre con, un pauvre type qui s'avère être, je peux pas le dire pour ceux qui n'ont pas vu le film, là, mais qui s'avère être fort décevant pour le moins. Et c'est quand on lui voit, parce qu'il a un masque lui aussi, mais il dévoile sa figure assez facilement, et là, cet acteur-là a une sale tronche, mais épouvantablement. Donc, moi, personnellement, c'est un des points très négatifs que j'ai trouvé au film. Très peu convaincant, ce méchant. Et aussi, d'attendre les 2h30 de la durée du film pour voir 20 secondes Luke Skywalker. Bon, OK, à la fin, on comprend que c'est pour mettre la table au 8e, mais je voulais le voir avant. Fait que voilà. Mais je l'ai trouvé quand même assez divertissant, puis quand même assez bien, ce nouveau Star Wars, L'Éveil de la Force. Un film que j'ai trouvé assez plate, c'est Freaks of Nature, qui est un film qui allie la comédie, l'horreur, la science-fiction, qui est un film de Robbie Picknick, que je ne connais pas du tout, et qui raconte que les vampires, les humains, les zombies ont pris l'habitude de vivre ensemble à Delford, une petite ville américaine. Mais ils subissent une invasion extraterrestre. Et le début du film était prometteur parce que je me disais, bon, ça a l'air original puis ça a l'air drôle. Mais ce n'est que le début qui l'est, parce qu'après ça, c'est vraiment pas bon. C'est très plate, c'est très long, c'est plein de clichés. C'est Freak of Nature. Personnellement, ça fut une perte de temps. Voilà. Voilà. Côté chronique cinéma, on va retourner en musique cette fois-ci avec une formation que j'ai présentée il y a quelques semaines. Formation de Thrash Metal. En fait, c'est un bloc de Thrash Metal. Formation Exhumer et la pièce Shadow Walker. Go! We'll be right back. verge of a discovery so terrific that he doubted his own sanity. There was a strange look in his eyes. Shadows that we're about to watch could be our journey. 89.1. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matins à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis 10h à C'est fou 89.1 FM. Cher public, la sortie de secours est à votre gauche, une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de C'est fou 89.1. Bienvenue à bord. Vous êtes à C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Eh bien, l'émission tire tranquillement pas vite à sa fin. On vient d'entendre la formation Carcass et la pièce Captive Bolt Pistol. C'est tiré de l'album de 2013, Surgical Steel. Bon album paru sous étiquette Nuclear Blast. Nous avions Creator, les Allemands Creator et la pièce Death to the World. C'est tiré de l'album Phantom Antichrist qui paraît en 2012 sur Nuclear Blast également. C'était pratiquement un festival Nuclear Blast, ça. Death Angel, formation américaine, et la pièce Fallen retrouve sur leur dernier album de 2013, soit The Dream Calls for Blood, album que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie encore quand même pas mal, je dois dire. Et en ouverture de Black Exhumer et la pièce Shadow Walker, c'est tiré du dernier album qui est paru il y a quelques mois à peine, soit The Raging Tides. Je dis quelques mois et j'exagère aussi. Paru sous étiquette Metal Blade. Comme je le vous disais la semaine prochaine, je vais vous présenter quelque chose, là. Je sais pas trop, là. Non, la formation Heretic, formation polonaise. Dans un Death Trash Black Metal ou Black Trash Death Metal, selon le cas. Là. Quelques pièces tirées de ce nouvel album qui porte le nom de Non-Existentia D, je pense, c'est ça. Voilà. Aussi, je vous rappelle que ce vendredi, c'est Rock Classic avec le Rockmaster et moi-même. Notre émission du 1er avril. Donc, n'oubliez pas qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Ça dépend. Je ne parle pas des fils de suture, bien entendu. Et n'oubliez pas aussi, pour vous, amateurs de métal, que ce vendredi, dès 18h30, c'est l'édition de Subversion avec notre ami DJ Tower of Death qui vous présentera sa vision du métal. On y retrouve toutes sortes de choses, des entrevues, présentations de nouveautés, des commerciaux pas piqués des verres aussi. Bref, sur Underground Québec Subversion. Et si vous voulez aller faire un petit tour sur le site de réanimation, bien, je vous invite à le faire, réanimationad.com, pour les chroniques cinéma, pour les chroniques musicales aussi, et pour voir ce qui est à venir au courant de l'émission ou de l'édition qui est à venir. Et tant qu'à être dans le web, si vous voulez aller voir autre chose, je dirais autre chose, oui et non, dans le sens que ce serait plutôt une vision différente des chroniques de Sinistros, de ses découvertes. Et souvent, je dois dire que nous avons des albums que nous avons découverts de façon commune et avons aussi des appréciations qui sont différentes. Et lui aussi, par rapport aux séries télévision ou au cinéma, donc hurlemort.com pour aller voir les chroniques de ce pestilentiel gobelin qui est Sinistros. À 21h, c'est Matière Noire qui rentrera en onde, notre émission métal, en compagnie d'Alex et Samuel. Et je vais vous laisser avec une dernière pièce, parce que je ne crois pas avoir le temps de passer à autre chose, honnêtement. Ça m'étonnerait. Je dis ça, là, je regarde là. Non, j'aurai pas le temps. Je vais vous laisser avec une pièce de Celtic Frost, qui est tirée de l'album To Megatherion, qui est vraiment un parfait exemple des albums marquants au niveau du métal, qui est paru en 1985. C'était, on dit, le deuxième album de Celtic Frost, mais dans les faits, c'était le premier vrai album studio complet de Celtic Frost, parce que Morbid Tales était en fait la juxtaposition de certains enregistrements pour faire un album. Donc, To Megatherion est le premier album studio complet de Celtic Frost, et c'est aussi le meilleur. Il y a des trucs intéressants sur ce qui est sorti par la suite, mais il y a des très mauvaises choses aussi qui sont faites par la suite. Mais To Megatherion est un album qui est, selon moi, quasi parfait. Il est paru sous étiquette Noise. Je vous laisse avec une pièce qui porte le nom de Necromantical Screams, et c'est du Celtic Frost à son meilleur. Je vous retrouve la semaine prochaine dès 19h pour une autre émission de réanimation. Et d'ici là, bien entendu, ben, allez tous vous faire foutre. Ouais, quoi d'autre? Je sais pas. Vous ayez une autre idée. Moi, j'en vois pas d'autre. See you.